Chapitre 22e. Duel de femmes. C'était en effet Zygomar et son âme damnée, Thormtwick, qui se trouvaient devant elle. D'instinct, Missiden serra Darling contre elle, s'apprêtant à la défendre, à entrer en lutte avec cet homme redoutable, à lui arracher Darling, enfin retrouvée et conquise. Mais Zygomar souriait. « Je n'ai nullement l'intention, cher ami, de vous prendre Darling. Elle est à vous, vous allez la garder. » « Vous pouvez jouer auprès d'elle tant que vous le voudrez, votre rôle de maman. » Il ajouta. « Vous le voyez, je tiens, moi, mes promesses. Je vous avais promis Darling. Voilà Darling. Avec une toute petite différence, je voulais donner Darling à sa mère. C'est la maman que je donne à Darling, le résultat elle-même. Étant dans la main l'enfant, car je t'avais promis à toi aussi, ma Darling, de te donner un jour ta maman. Oui, c'est vrai. » La fillette mit la main dans celle que Zygomar lui tendait, et sans doute, comme elle en avait l'habitude, elle approcha de lui son front auréolé d'or. « Je vous remercie, » dit-elle. « Je vous remercie vraiment beaucoup, je suis très heureuse. » Zygomar se pencha sur le front de l'enfant, puis, après l'avoir embrassé, « Va, my darling, reste à ta maman. » Darling se tourna vers Missiden. Mais aussitôt, elle poussa un cri d'épouvante. « Maman, maman, prends garde !» Et elle bondit en avant. Missiden, comme nous la savons habile dans tous les sports, se retourna vivement, fit un saut de côté, se mit en posture de parer l'attaque inconnue que lui signalait l'effroi de sa fille. Devant elle, elle aperçut la dame en deuil. La dame en deuil avait relevé son voile noir. « Flore !» s'écria Missiden. Flore s'avançait traîtreusement à pas de panthère vers Missiden. Dans sa main, elle tenait un poignard. Darling avait vu l'arme, compris le danger que courait Missiden. En poussant son cri d'alarme, elle se jeta sur Flore pour défendre sa mère. Ah, que cet enfant avait bien le cœur de Missiden. Et comme à ce trait de courage, d'affectueuse bravoure, on pouvait peut-être encore plus qu'à sa beauté reconnaître en elle la fille de la plus belle des femmes de l'univers, de la plus forte, de la plus courageuse. La main levée qui tenait l'arme dont Missiden devait être frappée s'abattit. Darling roula à terre aux pieds de Flore qui poussa un cri de triomphe. « Vengée ! Tu m'as fait ça, Ida, à la figure. Une blessure ineffaçable. Je viens de t'en faire une éternelle au cœur. » Ce ne fut pas un cri humain qui sortit de la gorge de Missiden. Ce fut comme un rugissement de lionne à qui l'on a pris son petit. Voyant Darling à terre, elle bondit sur Flore. L'arme de Flore brilla encore en l'air et traça en s'abattant en second sentiment un nouvel éclair de mort. Presque aussitôt, un grand cri de douleur, cri de femme blessée, retentit. Qui l'avait poussé, Missiden ou Flore? Impossible de le dire. Puis les deux femmes se prirent à bras-le-corps. Dans la lutte, comme toujours, les coiffures furent arrachées. Enfin, les cheveux d'or se séparèrent des cheveux noirs auxquels ils s'étaient un moment mêlés. Missiden se releva. Elle redressa la tête. De ses deux mains, elle écarta de ses yeux ses cheveux, et comme si sa radieuse beauté s'entourait de soleil, elle se tourna vers Zygomar, disant simplement « Voilà, morte. » Puis elle courut à son enfant, et oubliant ses blessures, elle releva la fillette. « Darling, » fit-elle doucement, « my darling. » Et l'enfant, semblant renaître à cet appel, faiblement répondit « Maman, vivante !» s'écria Missiden, « elle est vivante !» Mais Zygomar, en même temps qu'elle, s'était penché sur Darling. Il souleva de terre l'enfant et l'emporta en disant à sa mère « Venez, cher ami, suivez-moi. Vous trouverez là votre chambre, celle de Darling, et vous pourrez tout à votre aise soigner votre fille. » Missiden suivit Zygomar et pénétra avec lui dans la villa. Au bout de l'allée accouraient les branchipeurs. Ils avaient assisté à toute cette scène qui se passa en moins de temps qu'on a mis à la lire. Ils accouraient, enfin remis de leur ahurissement, agitant leur gros parapluie et poussant de grands cris essoufflés, appelant au secours. La chambre était toute blanche et très gracieusement meublée. Dans un lit de cuivre entouré de longs rideaux de dentelle reposait Darling. Un des aides, docteur en médecine, l'avait pensé, et maintenant elle souriait à sa mère qui se remettait à peine de toutes ses alarmes, et qui, blessée aussi, avait dû, comme sa fille, recevoir des soins. Par un de ces miracles qui semblent invraisemblables et se présentent fréquemment au jeu des armes, Darling n'avait pas été atteinte par la lame du poignard de Flore. Sans doute, d'instinct, leste, adroite, avait-elle pu éviter l'arme. Elle n'avait reçu qu'un coup très violent à la tête, un coup de poing qui l'avait éraflé, fait saigner son front en la courbant à terre, étourdie, sans connaissance. Darling ne portait aucune blessure, Mais Miss Eden, sur le moment, avait fort bien pu la croire poignardée. Sa joie n'en était que plus grande à présent de voir sa fille hors de danger. Sigomar avait secondé fort habilement le docteur dans son double pansement. Il laissa encore Miss Eden embrasser et caresser sa fille. Il permit au bon shipper qui sanglotait derrière la porte de pénétrer dans la chambre de Darling. Puis, après une nouvelle scène touchante entre ses bons parents, la mère et l'enfant, il dit à Miss Eden « Voulez-vous, cher ami, m'accorder quelques minutes d'entretien ?»